Ouais, David-Bad. Voilà. Ok. C'est ça. Il écrit salut. Ouais, c'est bon. Ok. 1-1. David-Bad, tout à fait, il y a David-Bad. Et là, tu m'entends, là ? Ouais, tu m'entends, David ? Ok. Ouais, et David, il aime bien, ça lui remonte sur le moral quand je lui fais « Hey, hey, hey, hey ». Vas-y, joue David, voir s'il t'entend. Bon, avant de jouer, toujours très important, allumer sa clope. 1, 2, 1. Il joue là ? Ah bah là, je raccroche. Ouais. On n'entend pas. Vas-y. Ok, vas-y, ouais, qui joue un truc de con. Ok. C'est cool. Un batteur. C'est génial. Ok, David, bon, maintenant tu te sors les doigts là, tu me sors un truc bon là. Tu m'en fous, il est même pas là. Là, le mec, il veut me dire plein de saloperies, tu sais. Je m'en fous, David, t'as 800 bornes. Pierrot, si t'as des trucs à dire à David. Non, ça va. Yeah. Ok. Et donc attends, en même temps Lolo, ouais, sur le morceau là, je suis pas sûr. Donc tout est bon là normalement. Ouais, à part le clavier qui est pas branché encore. Ouais, le clavier aussi, mais là il y a. Le Rhodes, que dalle. Attends. Alors, éditer, préférences. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, comme tout à l'heure.